Chapitre 8. Le même décor les entourait, la même pénombre les salissait, ainsi que la première fois que je les vis ensemble. Aimé et son amant étaient assis, non loin de moi, côte à côte. Ils causaient depuis quelque temps sans doute, quand je me penchai jusqu'à eux. Elle était en arrière de lui sur le canapé, cachée par l'ombre du soir et par l'ombre de l'homme. Lui, pâle et imprécis, les mains sur les genoux, il était incliné en avant, dans le vide. La nuit était encore revêtue d'une douceur grise et soyeuse du soir. Bientôt elle serait nue. Elle allait venir sur eux comme une maladie dont on ne sait si on guérira. Il semblait qu'ils le pressentaient, qu'ils cherchaient à se défendre, qu'ils auraient voulu prendre contre les ténèbres fatales des précautions de parole et de pensée. Ils se hâtaient de s'entretenir de choses et d'autres, sans force, sans intérêt. J'entendis des noms de localités et de personnes. Ils parlèrent d'une gare, d'une promenade publique, d'un marchand de fleurs. Tout à coup, elle s'arrêta. Elle me parut s'assombrir et elle cacha sa figure dans ses mains. Il lui prit les poignets avec une lenteur triste qui indiquait combien il était habitué à ses défaillances, et il lui parla sans savoir quoi dire, en balbutiant, s'approchant d'elle comme il pouvait. « Pourquoi pleures-tu ? Dis-moi, pourquoi pleures-tu ? » Elle ne répondit pas. Puis elle écarta ses mains de devant ses yeux et le regarda. « Pourquoi ? Est-ce que je sais ? » fit-elle. Les pleurs ne sont pas des paroles. Je la regardai pleurer, se noyer de larmes. Ah, cela est important d'être en présence de quelqu'un de raisonnable qui pleure. Une créature trop faible et trop brisée qui pleure fait la même impression qu'un Dieu tout-puissant qu'on supplie. Car dans sa faiblesse et sa défaite, elle est au-dessus des forces humaines. Une sorte d'admiration superstitieuse me saisit devant ce visage de femme baigné de l'inépuisable source, ce visage en même temps sincère et véridique. Elle s'était arrêtée de pleurer. Elle releva la tête. Sans qu'il l'interrogeât cette fois, elle dit « Je pleure parce qu'on est seul. » On ne peut pas sortir de soi. On ne peut même rien avouer. On est seul. Et puis, tout passe, tout change, tout fuit. Et, du moment que tout fuit, on est seul. Il y a des heures où je vois cela mieux qu'à d'autres. Et alors, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de pleurer ? Dans la tristesse où elle sombrait d'instant en instant, elle eut un petit secouement d'orgueil. Sur le masque de mélancolie, je vis un sourire grimacer doucement. Je suis plus sensible que les autres, moi. Des choses qui passeraient inaperçues aux yeux des gens ont en moi beaucoup de retentissement. Et dans ces instants de lucidité, quand je me regarde, je vois que je suis seul, toute seule, toute seule. Inquiet de voir sa grandissante détresse, il essaya de lui faire reprendre vie. « Nous ne pouvons pas dire cela, nous, nous qui avons refait notre destinée, toi qui as accompli un grand acte de volonté. » Mais ses paroles sont emportées comme fétues de paille. « À quoi bon ? Tout est inutile. Malgré ce que j'ai essayé de faire, je suis seul. Ce n'est pas un adultère qui changera la face des choses, quoique ce mot soit doux. Ce n'est pas avec le mal qu'on arrive au bonheur. Ce n'est pas non plus avec la vertu. Ce n'est pas non plus avec ce feu sacré des grandes décisions instinctives qui n'est ni le bien ni le mal. Ce n'est avec rien de tout cela qu'on arrive au bonheur. On n'arrive jamais jusque-là. » Elle s'arrêta et dit, comme si elle sentait sa destinée retomber sur elle. « Oui, je sais que j'ai fait le mal, que ceux qui m'aiment le plus me détesteraient de bien des façons s'ils savaient. Ma mère, si elle le savait, elle qui est si indulgente, elle serait si malheureuse. Je sais que notre amour est fait avec la réprobation de tout ce qui est sage et juste, et avec les larmes de ma mère. Mais cette honte ne sert plus à rien. Ma mère, si elle savait, elle aurait pitié de mon bonheur. » Il murmura faiblement. « Tu es méchante. » Cela tomba comme une petite parole sans signification. Elle caressa le front de l'homme d'un léger envolement de sa main. Et, d'une voix surnaturellement assurée, « Tu sais bien que je ne mérite pas ce mot. Tu sais bien que je parle au-dessus de nous. Tu le sais bien, tu le sais mieux que moi, qu'on est seul. Un jour que je parlais de la joie de vivre et que tu étais illuminé de tristesse comme je le suis aujourd'hui, tu m'as dit, après m'avoir regardé, que tu ne savais pas ce que je pensais, malgré mes paroles, que tu ne savais pas si le sang qui me montait au visage n'était pas un phare vivant. Nos pensées, toutes les plus grandes, toutes les moindres, ne sont qu'à nous. Tout nous rejette en nous et nous condamne à nous seuls. Tu as dit ce jour-là, « Il y a des choses que tu me caches et que je ne saurai jamais, même si tu me les dis. Tu m'as montré que l'amour n'est qu'une sorte de fête de notre solitude, et tu as fini par me crier en me noyant dans tes bras. Notre amour, c'est moi. » Et je t'ai répondu la réponse, hélas, inévitable. « Notre amour, c'est moi. » Il voulut parler. Elle lui mit d'un geste amical et désespéré sa main sur la bouche et plus haut, d'une harmonie plus tremblante et pénétrante. « Tiens, prends-moi, serre mes doigts, soulève mes paupières, appuie toute ta poitrine sur la mienne, fouille-moi de tes mains ou de ta chair, embrasse-moi longtemps, longtemps, jusqu'à respirer avec ma bouche, jusqu'à ce que nous ne sachions plus nos bouches. Fais de moi ce que tu voudras pour t'approcher, et réponds-moi. Je suis là à souffrir. Ma douleur, est-ce que tu la sens ?» Il ne dit rien, et dans le linceul crépusculaire qui les enveloppait, les noyait en vain l'un sur l'autre, je vis sa tête accomplir l'inutile geste de la négation. Je vis toute la misère qui s'exhalait de ce groupe qui, une fois par hasard, dans l'ombre, ne savait plus mentir. C'est vrai qu'ils sont là et qu'ils n'ont rien qui les unit. Il y a du vide entre eux. On a beau parler, agir, se révolter, se lever furieusement, se débattre et menacer. L'isolement vous dompte. Je vois qu'ils n'ont rien qui les unit, rien. « Ah !» dit-elle, « ne parlons plus, ne parlons plus jamais de la douleur et de la joie. Leur partage est vraiment une action trop impossible. Mais même la pénétration de l'esprit par l'esprit est défendue. Il n'y a pas au monde deux êtres qui parlent le même langage. » À certains moments, sans raison, on se rapproche. Puis, sans raison suffisante, on se retire loin l'un de l'autre. On se heurte, on se caresse, on se meurtrit, on se mutile. On rit quand on devrait pleurer, sans y pouvoir rien, jamais. Un couple est toujours fou. Cela, c'est toi-même qui l'as dit. Je n'ai pas inventé cette phrase. Toi, qui as tant d'intelligence et de savoir, tu m'as dit que deux interlocuteurs étaient deux aveugles en face l'un de l'autre, et presque deux muets, et que deux amants qui roulent ensemble restent aussi étrangers que le vent et la mer. Un intérêt personnel, ou une orientation différente des sentiments et des idées, une lassitude, ou, au contraire, une pointe acérée de désir, brouille la tension, l'empêche d'être vraiment pure. Quand on écoute, on n'entend guère. Quand on entend, on ne comprend guère. Un couple est toujours fou. » Il semblait habitué à ces monologues tristes, débités sur le même ton, litanies immenses à l'impossible. Il ne répondait plus. Il la tenait, la berçait un peu, la câlinait avec précaution et tendresse. Il semblait agir avec elle comme avec un enfant malade qu'on soigne, sans lui expliquer. Et ainsi, il était aussi loin d'elle qu'il était possible de l'être. Mais il se troublait de son contact. Même abattue, tombée et désolée, elle palpitait chaudement contre lui. Même blessée, il convoitait cette proie. Je vis luire les yeux posés sur elle tandis qu'elle s'abandonnait à la tristesse avec un don parfait de soi. Il se pressa sur elle. Ce qu'il voulait, c'était elle. Les paroles qu'elle disait, il les rejetait de côté. Elle lui était indifférente, elle ne le caressait pas. Il la voulait, elle, elle. Séparation. Ils étaient très pareils d'idées et d'âme, et en ce moment, ils cédaient étroitement l'un l'autre. Mais je m'apercevais bien, moi, spectateur délivré des hommes, et dont le regard plane, qu'ils étaient étrangers et que, malgré l'apparence, ils ne se voyaient pas et ne s'entendaient pas. Elle, triste et vaguement animée peut-être par l'orgueil de persuader, lui, excité et désirant, tendre et animal. Ils se répondaient le mieux qu'ils pouvaient, mais ils ne pouvaient pas se céder et essayer de se vaincre. Et cette espèce de bataille terrible me déchirait. Elle comprit son désir. Elle dit, plaintive, comme une enfant en faute, « Je suis malade. » Puis elle fut prise d'une morne frénésie. Elle rejeta, souleva, écarta ses vêtements, s'en débarrassa comme d'une prison vivante, et s'offrit à lui, toute dénudée, toute sacrifiée, avec sa blessure de femme et son cœur. La grande envergure sombre des vêtements s'ouvrit et se ferma. Encore une fois, le mélange des corps et la lente caresse rythmée et sans borne eut lieu. Et encore une fois, je regardais la figure de l'homme pendant que la volupté l'occupait. Ah ! Je le vis bien. Il était seul. Il pensait à lui, il s'aimait. Sa figure, gonflée de veines, gorgée de sang, s'aimait. Il s'extasiait au moyen de la femme, instrument charnel égal à lui. Il pensait à lui, émerveillé. Il fut heureux de tout son corps et de toute sa pensée. Son âme jaillit, rayonna, fut toute sur son visage. Il flotta tout entier dans la joie. Il murmurait des mots d'adoration, divinisés par elle. Il la bénissait. Ils ne sont pas unis parce qu'ils frémissent et se balancent en même temps, et qu'un peu de chair leur est commune. Au contraire, ils sont seuls jusqu'à l'éblouissement. Ils tombent chacun, ils ne savent où, la bouche et les bras entr'ouverts. Jouir ensemble. Quelle désunion. Maintenant, ils se relèvent, se dégagent du rêve brusquement affaibli qui les a jetés par terre. Il est aussi morne qu'elle. Je me penche pour saisir sa parole, basse comme un soupir. Il a dit « Si j'avais su. » Tous deux, prostrés mais plus méfiants l'un de l'autre, avec un crime entre eux, dans la lourde obscurité, dans la boue du soir, semblent se traîner lentement vers la fenêtre grise qu'un peu de jour nettoie. Comme ils sont pareils à ce qu'ils furent l'autre soir. C'est l'autre soir. Jamais je n'ai eu à ce point l'impression que les actions sont vaines et passent comme des fantômes. L'homme est pris d'un tremblement, et, vaincu et dépouillé de tout son orgueil, de toute sa pudeur mâle, il n'a plus la force de retenir l'aveu d'un honteux regret. « On ne peut pas s'en empêcher, » balbutie-t-il, baissant plus bas la tête. « C'est une fatalité. » Ils se prennent la main, tressaillent faiblement, soufflant, frappés, martelés par leur cœur. Une fatalité. Il voit plus loin que la chair et que l'acte consommé en parlant ainsi. La seule désillusion sexuelle ne les écraserait pas à ce point, dans cette servilité de remords et de dégoût. Il voit plus loin. Ils sont envahis par une impression de vérité déserte, de sécheresse, de néant grandissant. À songer qu'ils ont tant de fois pris, rejeté et repris en vain leur fragile idéal charnel. Ils sentent que tout passe, que tout s'use, que tout finit, que tout ce qui n'est pas mort va mourir, et que même les liens illusoires qui sont entre eux ne sont pas durables. L'écho des paroles de l'inspiré retentit comme un souvenir de musique splendide qui demeure. Du moment que tout fuit, on est seul. Ce même rêve ne les rapproche pas, au contraire. Ils sont tous deux, en même temps, pliés dans le même sens. Le même frisson, venu du même mystère, les pousse vers le même infini. Ils sont séparés de toute la force de leur douleur. Souffrir ensemble, hélas, quelle désunion! Et la condamnation de l'amour lui-même sort d'elle, coule et tombe d'elle en un cri d'agonie. Oh, notre grand! Notre immense amour, je sens bien que, peu à peu, je m'en console. » Elle avait rejeté le cou en arrière, levé les yeux. « Oh, la première fois » dit-elle. Elle reprit. tandis que tous deux voyaient cette première fois où leur demain s'était parmi les êtres et les choses trouvés. Je savais bien que toute cette émotion mourrait un jour, et malgré les promesses palpitantes, je n'aurais pas voulu que le temps passât. Mais le temps est passé. Nous ne nous aimons presque plus. Il fit un mouvement qui retomba. Ce n'est pas seulement toi, mon chéri, qui t'en vas. Moi aussi. J'ai cru d'abord que c'était toi seul, puis j'ai compris mon pauvre cœur qui, malgré moi, ne pouvait rien contre le temps. Elle le récita lentement, le regardant, puis détachant les yeux de lui pour regarder plus tard. Hélas, un jour, je te dirai peut-être, je ne t'aime plus. Hélas, hélas, peut-être un jour je te dirai, je ne t'ai jamais aimé. Voilà la plaie. C'est le temps qui passe et qui nous change. La séparation des êtres qui s'affrontent, ce n'est rien en comparaison. On vivrait quand même avec cela, mais le temps qui passe, vieillir, penser autrement, mourir. Je vieillis et je meurs, moi. J'ai mis longtemps à le comprendre, figure-toi. Je vieillis. Je ne suis pas vieille, mais je vieillis. J'ai déjà quelques cheveux blancs. Le premier cheveu blanc, quel coup! Un jour, penché à mon miroir, prêt à sortir, j'ai vu sur ma tempe deux fils blancs. Ah, c'est sérieux, cela. C'est l'avertissement, net, en plein. Cette fois-là, je me suis assise dans un coin de ma chambre. J'ai vu d'ensemble toute mon existence, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et j'ai jugé que je m'étais trompé toutes les fois que j'avais ri. Des cheveux blancs, moi aussi. Moi, pourtant. Mais oui, moi. J'avais bien vu la mort autour de moi, mais ma mort, à moi, je ne la connaissais pas. Et maintenant, je la voyais. J'apprenais qu'il était question d'elle et de moi. Ah, échapper à cette décoloration qui se pose sur vous, vous prend, comme des pantins, par le haut. À cette extinction de la couleur des cheveux, qui vous couvre de la pâleur du linceul, des ossements et des dalles. Elle se souleva et cria dans le vide. Fuir le filet des rides. Elle continuait. Je me dis. Tout doucement tu y vas, tu y arrives. Ta peau se desséchera. Tes yeux qui, même au repos souris, pleureront tout seuls. Tes seins et ton ventre se flétriront, comme les haillons de ton squelette. La lassitude de vivre entr'ouvrira ta mâchoire, qui bâillera continuellement. Et tu grelotteras continuellement à cause du grand froid. Ta face sera terreuse. Tes paroles qu'on trouvait charmantes paraîtront odieuses quand elles seront cassées. La robe qui te cachait trop aux yeux des foules mâles ne cachera pas encore assez ta nudité monstrueuse, et l'on détournera les yeux, et l'on n'osera même pas penser à toi. Oppressée, portant les mains vers la bouche, elle étouffait. Elle étouffait de vérité, comme si vraiment elle avait trop à dire. Et c'était magnifique et terrifiant. Il la saisit dans ses bras, éperdue. Mais elle était comme délirante, transportée par une universelle douleur. On eût dit qu'elle venait d'apprendre la vérité funèbre comme une brusque mauvaise nouvelle, comme un deuil neuf. Je t'aime, mais j'aime le passé encore plus que toi. Je le voudrais, je me consume pour lui. Le passé, oh! Vois-tu, je pleurerai, je souffrirai tant que le passé ne sera plus. Mais on a beau l'aimer, il ne bougera plus. La mort partout, dans la laideur de ce qui a été trop longtemps beau, dans la saleté de ce qui était clair et pur, dans la punition des figures qu'on chérissait, dans l'oubli de ce qui est lointain, dans l'habitude, cet oubli de ce qui est proche. On entrevoit la vie, matin, printemps, espoir. Il n'y a que la mort qu'on ait vraiment le temps de voir. Depuis que le monde est monde, la mort est la seule chose qui soit palpable. C'est là-dessus qu'on marche et c'est vers cela qu'on va. À quoi sert d'être belle et d'avoir de la pudeur? On marchera sur nous. Il y a dans la terre beaucoup plus de morts qu'il n'y a de vivants à sa surface, et nous avons beaucoup plus de morts que de vie. Ce ne sont pas seulement les autres êtres, nos êtres, voient toutes au complet, jadis autour de nous et maintenant détruite, c'est aussi, année par année, la plus grande partie de nous-mêmes. Et ce qui n'est pas encore mourra aussi. Presque tout est mort. Il y aura un jour où je ne serai plus. Je pleure parce que je mourrai sûrement. Ma mort, je me demande comment on peut vivre, rêver, dormir, puisqu'on va mourir. On est fatigué, on est ivre. Malgré l'immense, le patient, l'éternel effort, les grands assauts délibérés de l'énergie, on entend les mensonges du destin dans les serments qu'on fait. J'entends cela, moi. Chaque fois qu'on dit oui, un non intervient, infiniment plus fort et plus vrai, monte et prend tout pour lui. Ah, il y a des moments, le soir surtout, où il semble que le temps hésite, usé et adouci par nos cœurs. On a le mirage délicieux d'une immobilité des heures. Mais cela n'est pas vrai. Il existe en tout un invincible néant, et c'est empoisonné par lui que nous passons. Vois-tu, mon chéri, quand on pense à cela, on pardonne, on sourit. Il lui embrassait les mains, courbé vers elle. Il la couvrait d'un tiède et pieux silence. Mais comme toujours, je sentais qu'il était maître de lui. Elle parlait d'une voix chantante et changée. J'ai toujours pensé à la mort. Une fois, j'ai avoué à mon mari cette hantise. Il est parti en guerre avec fureur. Il m'a dit que j'étais neurasthénique et qu'il fallait me soigner. Il m'a engagé à être comme lui qui ne pensait jamais à ces choses à cause qu'il était sain et équilibré d'esprit. Ce n'est pas vrai. C'est lui qui était malade de tranquillité et d'indifférence. Une paralysie, une maladie grise, et son aveuglement était une infirmité. Et sa paix était celle d'un chien qui vit pour vivre, d'une bête à face humaine. Que faire? Prier? Non. L'éternel dialogue où l'on est toujours seul est écrasant. Se jeter dans une occupation, travailler, c'est vain. Le travail, n'est-ce pas ce qui est toujours à refaire? Avoir et élever des enfants. Cela donne à la fois l'impression qu'on finit et celle qu'on se recommence inutilement. Pourtant, qui sait? C'était la première fois qu'elle mollissait. L'assiduité, la soumission, l'humiliation d'être mère m'ont manqué. Peut-être cela m'aurait-il guidée dans la vie. Je suis orpheline d'un petit enfant. Pendant un instant, baissant les yeux, laissant aller ses mains, laissant régner la maternité de son cœur, elle ne pensa qu'à aimer et à regretter l'enfant absent, sans s'apercevoir que, si elle le considérait comme le seul salut possible, c'était parce qu'elle ne l'avait pas. La charité, on dit qu'elle fait oublier tout. Elle murmura, tandis que nous sentions le frisson de froid pluvieux du soir et de tous les hivers qui furent et qui seraient. Oh! Oui, être bonne. Aller faire l'aumône avec toi sur les chemins neigeux dans un grand manteau de fourrure. Elle eut un geste las. Je ne sais pas. Il me semble que ce n'est pas cela. Tout cela, c'est s'étourdir, mentir. Cela ne change rien à la vérité parce que ce n'est pas de la vérité. Qu'est-ce qui nous sauvera? Et puis, quand même nous serions sauvés. Nous mourrons. Nous allons mourir. Elle cria. Tu sais bien que la terre attend nos cercueils et qu'elle les aura, et cela n'est pas si éloigné. Elle sortit de ses larmes, essuya ses yeux, prit un ton positif si calme qu'il donnait une impression d'égarement. Je voudrais te poser une question. Réponds-moi sincèrement. As-tu osé, mon chéri, même dans le fond du secret de toi, te formuler une date éloignée relativement, mais précise, absolue, avec quatre chiffres, et te dire « Si vieux que je vivrai, à cette date-là, je serai mort. » Alors que tout continuera et que, peu à peu, mes places vides se seront anéanties ou remplies. Il s'agita sous la netteté de cette question, mais il me semblait qu'il cherchait surtout à éviter de lui donner une réponse qui eût avivé son obsession. Évidemment, il comprenait toutes ces choses, parmi lesquelles retentissait parfois, elle l'avait dit, l'écho de ses paroles. mais il avait l'air de comprendre théoriquement, à la lumière des grandes idées et dans une fièvre philosophique ou artistique distincte de sa sensibilité. Tandis qu'elle était toute secouée et écrasée par l'émotion personnelle et que son raisonnement saignait. Elle resta attentive, immobile. Puis elle reprit, après une hésitation, à voix basse, plus vite, dans un mouvement plus désespéré de cette grande exaltation de sa douleur. « Hier, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Ne me gronde pas. J'ai été au cimetière, au Père Lachaise. J'ai été, par les allées, puis entre les tombes, jusqu'au caveau de ma famille, celui où, la pierre écartée, on descendra mon cercueil avec des cordes. Je me suis dit, c'est là que viendra mon convoi un jour proche ou lointain, mais un jour sûrement. Vers 11 heures du matin, j'étais fatigué. J'ai été obligé de m'appuyer à un tombeau. Et par suite d'une espèce de contagion du silence, du marbre et de la terre, j'ai eu l'apparition de mon enterrement. Le chemin montait avec peine. Il fallait tirer les chevaux du corbillard par la bride. J'ai vu plusieurs fois cela à cet endroit. C'était pitoyable, ce chemin qu'on devait gravir ainsi en de pareilles circonstances. Tous ceux qui me connaissaient, qui m'aimaient, étaient là, en deuil. Et l'assistance s'est groupée, éparse, entre les dalles. Ces bêtes, ces pierres si lourdes sur les morts. Et les monuments, qui sont fermés comme des maisons, à l'ombre de cette tombe qui a une forme de chapelle, frôlant cette autre qui est couverte d'un carré de marbre neuf, il sera encore assez neuf pour produire une même tache claire. J'étais là, dans le corbillard, ou plutôt ce n'était pas moi. Elle était là. Et tous, à ce moment, m'aimaient avec terreur. Et tous pensaient à moi, pensaient à mon corps. La mort d'une femme a quelque chose d'impudique, puisqu'il s'agit d'elle toute. Et toi, tu étais là aussi. Ta pauvre petite figure crispée par une douleur et une énergie muette. Et notre vaste amour n'était plus que toi et mon image. Et tu n'avais guère le droit de parler de moi. À la fin, tu es parti, comme si tu ne m'avais jamais aimé. Et, en revenant, glacé, je me suis dit que ce cauchemar était la plus réelle des réalités, que c'était la chose simple, vraie par excellence, et que toutes les actions que je vivais en pleine vie étaient du mirage à côté. Elle eut un cri étouffé qui la fit tressaillir toute, longtemps. Quelle désolation j'ai traînée jusqu'à la maison! Dehors, ma tristesse a tout assombri, bien que le soleil étincela. Le ravage de toute la nature qu'on fait autour de soi, le monde de douleur qu'on apporte dans le monde. Il n'y a pas de beau temps qui tienne quand notre tristesse s'avance. Tout m'apparaissait frappé, condamné par le mauvais ange de la vérité qu'on ne voit jamais. La maison s'est présentée à moi comme elle est vraiment, au fond, nue, trouée, blanchissante. Et tout à coup, elle se rappelle une chose qu'il lui a dite. Elle se la rappelle avec une sorte d'ingéniosité extraordinaire, d'habileté admirable, pour, d'avance, lui fermer la bouche et se torturer plus. « Ah, tiens, écoute, te rappelles-tu ? Un soir, sous la lampe, je feuilletais un livre, tu me regardais. Tu es venu près de moi, tu t'es agenouillé. Tu m'as enlacé la taille, tu as posé ta tête sur mes genoux et tu as pleuré. J'entends encore ta voix. Je pense, disais-tu, que ce moment ne sera plus. Je pense que tu vas changer, mourir, que tu t'en vas, et que maintenant, pourtant, tu es là. Je pense, avec une immense ferveur de vérité, combien les moments sont précieux, combien tu es précieuse, toi qui ne seras plus jamais telle que tu es. Et je supplie et j'adore ta présence indicible de ce moment-ci. Tu as regardé ma main, tu l'as trouvée petite et blanche, et tu as dit que c'était un trésor extraordinaire qui disparaîtrait. Puis tu as répété « Je t'adore », d'une voix tellement tremblante que je n'ai jamais rien entendu de plus vrai et de plus beau, car tu avais raison à la façon d'un dieu. Et autre chose encore. Un soir que nous étions restés longtemps ensemble, et que rien n'avait pu dissiper tes sombres préoccupations, tu as caché ta figure dans tes mains et tu m'as dit cette parole affreuse qui m'a pénétré et qui est restée dans la plaie. Tu changes, tu as changé. Je n'ose pas te regarder, de peur de ne pas te voir. Tu sais, c'est ce soir-là que tu m'as parlé des fleurs coupées. Des cadavres de fleurs, disais-tu, et tu les comparais à de petits oiseaux morts. Oui, c'était le soir de cette grande malédiction que je n'oublierai jamais, et que tu as crié d'un coup, comme si tu en avais beaucoup sur le cœur à propos de fleurs coupées. Comme tu avais raison de te sentir vaincu par le temps, de t'humilier, de dire que nous n'étions rien. Le crépuscule envahissait la chambre et courbait comme un grand vent ce pauvre groupe occupé à regarder les causes de la souffrance, à fouiller la misère pour savoir de quoi elle était faite. L'espace qui est toujours, toujours entre nous. Le temps qui est attaché en nous comme une maladie. Le temps est plus cruel que l'espace. L'espace a quelque chose de mort. Le temps a quelque chose de tuant. Tous les silences, vois-tu, tous les tombeaux ont dans le temps leur tombeau. Les deux choses si invisibles et si réelles qui se croisent sur nous au point précis où nous sommes. Nous sommes crucifiés, pas comme le bon Dieu qui l'a été charnellement sur une croix, mais elle serrait ses bras contre son corps, elle se recroquevillait, elle était toute petite. Nous sommes crucifiés sur le temps et l'espace. Et elle m'apparaissait en effet crucifiée dans les deux sens de sa prière et portant au cœur les stigmates saignants du grand supplice de vivre. Elle était épanouie de toute sa force. Elle ressemblait à tous ceux que j'avais vus à la place où elle était et qui, eux aussi, voulaient s'arracher du néant et vivre plus. Mais son vœu à elle, c'était tout le salut. Son humble cœur génial allait, dans son effusion, de toute la mort à toute la vie. Ses yeux étaient tournés du côté de la fenêtre blanche, et c'était la plus vaste demande possible, le plus vaste des désirs humains qui palpitaient dans cette sorte d'assomption de sa figure au ciel. « Oh, arrête, arrête le temps qui passe. Tu n'es qu'un pauvre homme, qu'un peu d'existence et de pensée perdues au fond d'une chambre, et je te dis d'arrêter le temps. » Et je te dis d'empêcher la mort. » Sa voix s'éteignit, comme si elle ne pouvait plus rien dire. Toute sa supplication des pensées usée, à bout. Et elle s'abîma dans un pauvre silence. « Hélas !» lui dit l'homme. Il regarda les larmes de ses yeux, le silence de sa bouche. Puis il baissa le front. Peut-être se laissait-il aller au suprême découragement, peut-être s'éveillait-il à la grande vie intérieure. Quand il releva la tête, j'eus confusément l'intuition qu'il aurait su quoi répondre, mais qu'il ne savait pas encore comment le dire, comme si toute parole devait commencer par être trop petite. « Voilà ce que nous sommes, » répéta-t-elle en soulevant la tête, en le considérant, espérant l'impossible contradiction. Comme un enfant demande une étoile. Il murmura. Qui sait ce que nous sommes ? Elle l'interrompit d'un geste d'infinie lassitude qui imitait par inconsciente gloire le coup de faux de la mort et, avec une voix sans accent et des yeux vides. Je sais ce que tu vas répondre. Tu vas me parler de la beauté de souffrir. Ah ! Je connais tes belles idées. Je les aime, mon aimé. Tes belles théories, mais je n'y crois pas. Je les croirais si elles me consolaient et effaçaient la mort. Dans un effort manifeste, peu sûr de lui, lui aussi, cherchant une voix. Elle l'effacerait peut-être si tu y croyais, murmura-t-il. Non, elle ne l'efface pas, ce n'est pas vrai. Tu as beau dire, l'un de nous mourra avant l'autre, et l'autre mourra. Qu'est-ce que tu réponds à cela ? Dis, qu'est-ce que tu réponds ? « Oh, réponds-moi. Ne réponds pas indirectement, mais à cela même. Oh, trouble-moi, change-moi par une réponse qui me regarde personnellement, telle que je suis ici. » Elle s'était tournée vers lui, avait pris une de ses mains dans les deux siennes. Elle la dérogeait toute, avec une impitoyable patience. Puis elle glissa à genoux devant lui, comme un corps sans vie, s'écrasa à terre, naufragée au fond du désespoir et tout au bas du ciel, et elle implora. « Oh, réponds-moi, je serai tellement heureuse qu'il me semble que tu le peux. » Elle étendait la main, montrait du doigt la vision obsédante, la vérité douloureuse dont elle avait trouvé la formule, le plus large nom du mal, l'espace qui nous cache, le temps qui nous déchire. Dans la chambre que le crépuscule rend basse et étroite, où le pauvre ciel montre l'espace, où la pendule, monotone, affirme et affirme le temps, il répéta, penché sur elle comme au bord d'un abîme d'interrogation. « Sait-on ce que nous sommes ? Tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous croyons, c'est peu sûr. On ne sait rien. Il n'y a rien de solide. » « Si, cria-t-elle, tu te trompes. Il y a, hélas, il y a, parfait, absolu, notre douleur et notre besoin. Notre misère est là, on la voit et on la touche. Qu'on nie tout le reste, mais notre mendicité, qui pourrait la nier ?»« Tu as raison, dit-il, c'est la seule chose absolue qui soit. » C'était vrai qu'elle était là, c'était vrai qu'on la voyait et qu'on la touchait sur leurs figures grandes ouvertes. Il répéta, « Nous sommes la seule chose absolue qui soit. » Il se raccrochait à cela. Il avait senti un point d'appui parmi l'envolée du temps. « Nous, » disait-il. Il avait trouvé le cri contre la mort. Il le répétait, il l'essayait. « Nous, nous. » Dans le crépuscule, maintenant sans horizon de la chambre, je contemplais l'homme avec la femme à ses pieds, informe comme une nuée et comme un piédestal. Son front, à lui, ses mains, ses yeux, toute sa lumière pensante émergeait comme une constellation. Et c'était sublime de le voir commencer à résister. Nous sommes ceux qui demeurent. Ceux qui demeurent. Nous sommes au contraire ceux qui passent. Nous sommes ceux qui voient passer. Nous sommes ceux qui demeurent. Elle haussa les épaules d'un air de protestation, de mésintelligence. Sa voix était presque haineuse. « Oui, non, peut-être, si tu veux, après tout, que m'importe. Cela ne console pas. Qui sait si nous n'avons pas besoin de la tristesse et de l'ombre pour faire de la joie et de la lumière ? La lumière existerait sans l'ombre ? Non, dit-il doucement. Elle répondit pour la deuxième fois. Cela ne console pas. Puis il se rappelle qu'il a déjà pensé à toutes ces choses. « Écoute, dit-il, d'une voix palpitante et un peu solennelle, comme un aveu, j'ai imaginé une fois deux êtres qui sont à la fin de leur vie et se rappellent tout ce qu'ils ont souffert. »« Un poème, fit-elle, découragée. »« Oui, dit-il, un de ceux qui pourraient être si beaux. » Chose singulière, il semblait s'animer progressivement. Il paraissait sincère pour la première fois, alors qu'il abandonnait l'exemple pantelant de leur destin pour s'attacher à la fiction de son imagination. En parlant de ce poème, il avait tremblé. On sentait qu'il allait devenir vraiment lui-même et qu'il avait la foi. Elle avait relevé la tête pour l'écouter, travaillée par son besoin tenace d'une parole, bien qu'elle n'eût pas confiance. « Ils sont là, dit-il, l'homme et la femme. Ce sont des croyants. Ils sont à la fin de leur vie et ils sont heureux de mourir pour des raisons qui font qu'on est triste de vivre. C'est une espèce d'Adam et une espèce d'Ève qui pensent au paradis où ils vont retourner. « Et nous, retournerons-nous à notre paradis ?» demanda Aimé. « Notre paradis perdu, l'innocence, le commencement, la blancheur. » « Hélas, comme j'y crois à ce paradis-là. » « De la blancheur, c'est cela, dit-il. Le paradis, c'est la lumière. La vie terrestre, l'obscurité, voilà le motif de ce chant que j'ai ébauché. Lumière qu'ils veulent, ombre qu'ils sont. » « Comme nous, dit Aimé. » Ils étaient eux aussi là, tout près de l'obscurité un peu mouvante, un effort pâle vers la pâleur presque effacée des cieux,